Pour les frères des muraux et pour les frérots des bosquets. Nous on préfère vendre de l'héros que voler des choses à la mosquée. Je veux un château pour ma mère, c'est Marcel Pagnol. Quand y'a pas de shit, on cogite, on prend pas de Valium. Ça ramène des folles au bifcut qui mérite même pas un grec. Ouais ouais c'est le Y, producteur, auteur, interprète. J'suis tombé et retombé, vois les couilles des retombées. Ouais ouais ouais j'me la raconte comme Cédric Doumbé. Fini les flagrants délits, alhamdoulilah on est béni. Je regarde chaque match, commenté par moi mes dénis. Des gaines d'Al Pacino, veste Valentino. On a grandi vite, un peu comme le petit Dadinho. On doit cantiner pour la semaine d'après et poser le bon en fin de matinée. Ils veulent nous tartiner, mais ils nous appellent les beurs. Où l'aide la haram si je mets un, je sais bien qu'on leur fait peur. Je suis un requin, vrai marocain, fuck le dauphin, un flipper. Ils veulent me foutre au trou comme la boule d'un flipper. C'est l'État qui vend des mouchoirs, mais c'est nos mères qui pleurent. Bientôt y'aura des podcasts dans les surprises Kinder. Le Seigneur créa la plume, donc l'avenir est près des finis. Je quitterai jamais le navire comme Salim ou Madi Fili. 5 ans pour une barrette, 4 mois pour pédophile. Quelle justice de merde, je sais bien que ce n'est pas fini. Bientôt la Légion d'honneur pour les violeurs de gosses. Je vois bien qu'on s'approche de l'heure, ils recherchent des femmes précoces. Le chétan fait bien son travail, on retrouve des bébés dans des frigos. Le prix d'un rein c'est 200k, du caviar et de la veuve Clico. Y'a des mecs qui ont le milliard et qui vivent dans la tourmente. Y'a des orphelinats qui servent de plaque tournante. Ils nous cachent des histoires de ouf, demande à Carl Zero. Des orgies de malades, ils sont remplis de chinois fédéraux. Les fédéraux sont au courant, ça se passe pas qu'en Occident. Si l'ouvrit triple rondouille, ils feront passer sans accident. Ferme ta gueule et tes yeux si tu veux que tout se passe bien. Aboubacar et Rachid prennent plus que Sébastien. Jean-Marc a pris du sursis pour attouchement sur mineur. Moi j'ai pris 24 mois ferme pour un petit délit mineur. Ils m'ont embarqué avec mon fils, âgé d'à peine 6 ans. Donc à mes yeux, leur justice mérite des coups de ciseaux. Je suis un requin, vrai marocain, fuck le dauphin, un flipper. Ils veulent me foutre au trou comme la boule d'un flipper. C'est l'État qui vend des mouchoirs, mais c'est nos mères qui pleurent. Bientôt y'aura des podcasts dans les surprises Kinder. Je suis un requin, vrai marocain, fuck le dauphin, un flipper. Ils veulent me foutre au trou comme la boule d'un flipper. C'est l'État qui vend des mouchoirs, mais c'est nos mères qui pleurent. Bientôt y'aura des podcasts dans les surprises Kinder.